Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de parler science avec Futur Simple. Une émission consacrée aux jeunes aujourd'hui, puisqu'en deuxième partie d'émission, je recevrai l'équipe du Cégep Garneau qui a été sélectionnée pour le concours Science on tourne. Un concours qui demande de construire un engin pour aller chercher des bûches et les ramener, et le tout avec des élastiques comme seule source d'énergie. Donc on verra comment l'équipe Garneau s'y est prise. Et pour le moment, on va s'intéresser aux jeunes et à leur perception des changements climatiques, et cela avec Michel Pigeon, qui est auteur d'un livre paru cet hiver aux presses de l'Université Laval et qui s'intitule « Les jeunes et les changements climatiques, quel choix de société ?» Bonjour Michel Pigeon. Bonjour Madame Levé. Alors je vais vous présenter un petit peu mieux quand même et vous inviter à décrire votre démarche parce que vous êtes professeur émérite de département de génie civil à l'Université Laval. Vous avez été aussi doyen de la faculté de sciences et de génie de l'Université Laval et directeur du centre de recherche interuniversitaire sur le béton. Donc on voit que vous avez consacré votre carrière au génie civil. Bon. Au milieu de tout ça, vous avez aussi été recteur de l'Université Laval. Mais vous, plus récemment, vous avez soutenu une thèse de doctorat intitulée « Les jeunes et les changements climatiques, quel choix de société ?» Et votre livre, finalement, c'est une version vulgarisée de votre thèse. Et vous êtes professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval. Voilà. Alors là, en sachant cela, moi, expliquez-moi votre démarche. Expliquez-nous votre démarche. Qu'est-ce qui vous avait passé du génie civil à la sociologie ? En fait, c'est relativement simple. Il y a une blague que j'utilise souvent et je dis « Pourquoi je suis devenu ingénieur ?» Je suis devenu ingénieur parce que je veux comprendre comment ça marche. Mm-hmm. Et je suis devenu sociologue pour la même raison. Je veux comprendre la société, je veux comprendre comment ça marche. Mais il y a eu un concours de circonstances... après mon bref séjour en politique, je me suis posé des questions. J'étais officiellement retraité de l'université et, bon, je suis retourné faire un peu d'enseignement, etc. Mais je me suis toujours intéressé à l'environnement et j'ai toujours eu, depuis très longtemps, je dirais même plusieurs dizaines d'années, la conviction que les questions environnementales étaient surtout des questions sociales, de mm-hmm. comportements sociaux. Et au hasard d'une rencontre avec un collègue du département de sociologie, il m'a dit « Viens donc suivre mon cours, là, mm-hmm. environnement, société, ça va t'intéresser, Michel. Mm-hmm. » Et donc, je suis allé. Et comme on dit, j'ai mis la main dans le tordeur et j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise et éventuellement au doctorat. Mais c'est vraiment, je dirais, ma préoccupation fondamentale pour l'environnement qui m'a guidé là. Et je dois ajouter aussi que, comme beaucoup de personnes, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que Michel Pigeon peut faire comme contribution? Mm-hmm. Et je vous dirais que je suis pas nécessairement un militant dans l'âme, mais je suis plutôt un intellectuel. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire de la recherche en sociologie environnementale. Mm-hmm. Ce sera ma contribution, j'irai. Mais c'est quand même surprenant parce que quand on parle à des ingénieurs, habituellement, ils cherchent toujours une solution, on va dire, technologique. Et là, vous allez plutôt vers une solution de comportement, une société, une solution humaine, on va dire. Tout à fait. Et j'ai cette conviction, comme je vous dis, depuis longtemps. Je lis beaucoup sur ce sujet-là depuis longtemps. J'ai des enfants et des petits-enfants, des grands-petits-enfants. Mm-hmm. Et on parle beaucoup de ces questions-là, et j'en parle avec mes gendres, j'ai deux filles et deux gendres, et l'idée que les problèmes environnementaux sont d'abord sociaux est une idée que j'ai depuis très longtemps, et si vous regardez mon parcours, oui, c'est vrai que j'ai fait de la recherche en génie civil, mais j'ai été membre d'Amnesty International, membre actif pendant une dizaine d'années. Donc, c'est un élément là, qui montre ce côté un peu plus humain que je pourrais avoir. Mmh. Donc, vous avez fait une maîtrise, vous avez poursuivi au doctorat. Donc là, vous aviez sans doute une hypothèse de recherche, un objectif de recherche. Quel était-il? Bien, avec cette conviction que c'est un problème de notre mode de vie, j'ai fait tout simplement le raisonnement suivant. Qui doit décider que sera la société? Et je me suis dit, la société, elle appartient aux générations futures. Elle ne m'appartient pas à moi. J'ai plus de passé que de futur, même si j'aime bien penser que j'ai encore du futur. Et je me suis dit, les jeunes ont beaucoup de choses à dire et avoir leur opinion sur la société à construire face à cet immense défi des changements climatiques et globalement de la protection de l'environnement. Mon hypothèse, c'était, bon, je vais questionner les jeunes sur la société du futur et mon hypothèse de base étant que c'est un problème de comportements sociaux, moi j'ai fait l'hypothèse que les jeunes étaient prêts à faire des changements, ils étaient prêts même à accepter certaines contraintes, mais à la condition que ces changements-là soient déterminés de façon, je dirais, collective et que ça soit un phénomène, et que ça soit juste. Et donc, chacun fasse un effort proportionné là à ses capacités. Mm-hmm. Et donc, mais mon hypothèse découle vraiment de l'idée que c'est notre mode de vie qui est la clé, je dirais, à la fois du problème et de la solution. Donc, comment vous avez fait pour savoir à quel point les jeunes étaient prêts à changer de comportement ou pas? Vous les avez interviewés? Alors, dans mon livre, j'explique que j'ai fait de la recherche qualitative, c'est pas un sondage, c'est une suite d'entrevues, et j'ai structuré les entrevues pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe, comprendre comment les jeunes voient l'avenir, et brièvement, je les ai d'abord questionnés sur leurs valeurs, qui est un élément fondamental, je dirais, de ce qui dirige nos comportements. Ensuite, je les ai questionnés sur leur compréhension des phénomènes, surtout du réchauffement climatique. Et là, j'ai ouvert une petite parenthèse et je les ai questionnés sur leur propre comportement. Ah, pour voir s'ils étaient en phase avec leurs valeurs. Ben oui, d'abord, puis aussi avec la suite que vous m'imaginez. Et donc, je leur ai posé des questions, en gros, sur comment ils se comportaient du point de vue alimentation, par exemple, transport, etc. Et donc, ça m'a permis par la suite, lorsque les jeunes m'ont expliqué ce qu'ils souhaitaient comme société, de voir la cohérence de leurs propos entre ce qu'ils faisaient actuellement et ce qu'ils souhaitaient pour l'avenir. Ah oui, oui. Donc là, vous avez interrogé des jeunes, mais qui sont ces jeunes? Vous les avez pris au hasard? Je dirais oui et non. Et je vais vous expliquer, Mme Levy, de façon très simple, comment j'ai procédé. D'abord, j'ai consulté des gens à l'université qui font ce genre de travail, d'interroger des jeunes. Et on m'a dit, un des bons moyens, c'est d'aller dans des classes et d'expliquer le projet et de demander, est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées à participer à une entrevue, et j'expliquais un peu les conditions. Et on offre une petite rémunération là, de 25, 30 ou 40 $. Là. C'est assez classique là, bon, dans ce genre de situation. Et il y avait l'université d'abord. J'avais une grille complète. Une grille, parce que quand on fait de la recherche qualitative, on essaie d'avoir, je dirais, la vision la plus large possible de toutes les possibilités de vision qu'on peut avoir. Et donc, j'avais en tête une grille à trois niveaux, étudiants universitaires, cégep technique, secondaire professionnel, parce qu'on sait que je dirais, le niveau d'instruction est un des déterminants là, de la sensibilité écologique. Hommes et femmes, rural et urbain, c'est deux éléments clés. Et aussi, l'origine socio-économique, est-ce que les parents sont d'origine modeste et sont des ouvriers ou des employés, ou classe moyenne ou classe aisée. Et donc, cette idée d'aller à l'université, au cégep technique et au secondaire professionnel, ça permettait d'avoir là l'échantillon le plus large possible. Et donc, j'allais dans des classes, les gens, les professeurs, que ce soit au cégep et que ce soit à l'université, ont été très gentils, ont accepté. Mm-hmm. Je prenais quelques minutes pour exposer mon projet et je recrutais les participants. Et ce que je dois vous dire, c'est que les participants, c'est difficile à recruter. Ah ouais. Les jeunes, ils ont autre chose à faire. Et donc, à l'université, je suis allé en sciences infirmières, en éducation, en relations industrielles, en génie mécanique, en agronomie. J'ai fait le tour. L'idée n'était pas tellement d'avoir des gens de telle ou telle orientation études, mais plutôt d'avoir, je dirais, la plus grande variété possible. Au cégep, c'est pareil. J'ai interrogé des gens qui étaient soit là dans les questions commerciales, d'autres mm-hmm. techniques, génie mécanique ou encore informatique, mm-hmm. etc., etc. Mais en recherche sociologique, quand on interroge des gens, on ne peut interroger que ceux qui veulent bien nous parler. Oui, c'est ça. Ça c'est... Donc, ça crée un biais un petit peu. Bien, je vous dirais... Ça crée un biais. Je ne le dirais pas comme ça. Si on interroge suffisamment de personnes, on devrait avoir l'ensemble des visions. Enfin, et quand je regarde mes résultats, je pense que j'ai quand même réussi à atteindre, là, je dirais, une espèce d'ensemble de visions quand même assez large. Parce que les opinions, soyons francs, si je caricature l'ensemble de l'œuvre, il y en a qui m'ont dit « on va tous mourir dans d'horribles souffrances », et il y en a qui m'ont dit « la technologie va tout régler ». Donc, je pense avoir quand même... D'un autre côté, on peut penser que ceux qui ne sont pas intéressés, interpellés par l'environnement, par les changements climatiques, n'auront peut-être pas eu envie de participer aussi à l'étude, peut-être. Quand j'ai fait du recrutement en classe, je l'ai dit très nettement. Je ne souhaite pas recruter que des gens dont c'est la préoccupation principale. Et il y en a même quelques-uns qui sont venus et qui m'ont dit « Moi, je suis venu justement parce que vous avez dit ça. » Et donc, ils voulaient donner leur point de vue. Mais ceci dit, ça reste que c'est de la recherche qualitative. Je vois les résultats, je vois la cohérence des propos et tout ça, et je dirais « Ça me satisfait, mais j'aimerais bien, par exemple, faire des comparaisons internationales. Ah, ce serait intéressant. Ça pourrait être extrêmement intéressant, parce que là, j'ai la vision, je dirais, globalement du Québec. Les gens que j'ai interrogés venaient de beaucoup de régions différentes du Québec. Ça a bien fonctionné. Et c'était pas... J'ai des radicaux et des modérés, donc... Pas uniquement, Vous nous parlez, M. Pigeon, de radicaux, de modérés. Donc, on a envie de savoir, finalement, qu'ils ont répondu quoi. D'abord, quelles sont leurs valeurs? Vous avez dit, une première partie des entrevues, c'était de connaître leurs valeurs. Donc, quelles sont leurs valeurs? Moi, je les ai questionnés sur leurs valeurs de façon un peu spontanée, mais... Dans une entrevue comme celle que j'ai faite, c'est pas simple pour eux d'un coup de se dire « oui, c'est quoi mes valeurs? Mm-hmm. » Alors, je leur proposais des mots, les valeurs traditionnelles, la liberté, la justice, la famille, la science, travail, etc. Ouais. Et je vous dirais, et j'avais fait bien sûr des études sur quelles sont les valeurs des jeunes, qu'est-ce qu'on voit dans la littérature scientifique, et... j'ai pas eu de très grosses surprises. La valeur environnementale est très présente. La valeur justice, oui, mais peut-être un peu moins la justice sociale, selon ce que j'ai vu. La valeur liberté, j'en ai parlé. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas, je dirais, une résonance aussi forte que pour des gens de ma génération, par exemple, la liberté. Le travail, je pourrais en parler jusqu'à demain matin, mais une vision plutôt positive du travail. Une vision d'épanouissement et une vision plutôt positive de la science, mais avec certaines réserves, une vision de tolérance par rapport à la religion, une vision par rapport à la famille, je dirais d'appui social, je fais un peu le tour, une vision du bien-être plus psychologique que matériel, donc plutôt en phase avec, je dirais, l'environnement actuel. On dit en sociologie qu'on vit la seconde modernité, là, et où la qualité de vie domine. C'est un peu ça que d'accord. dans la première partie de l'entrevue, puis ensuite sur leur comportement. Puis, et bien sûr, là, je posais des questions sur la société que vous voulez, là. Oui. Dites-moi pas la société qu'on va avoir. Non, non, non. Dites-moi la société que vous voulez, la société idéale. Laissez-vous guider par un idéal. Là, on m'en parlait un peu globalement. Puis ensuite, je leur disais, est-ce que le système économique doit changer? Est-ce que le système politique doit changer? Est-ce qu'il devra y avoir du contrôle social dans cette nouvelle société? On va s'alimenter comment? On va habiter comment? Et quel sera l'impact de la technologie? Et tout ça en réponse au changement climatique ou à un besoin d'adaptation des changements climatiques. Donc, que doit devenir leur société idéale à eux dans ce contexte-là? C'est ça, exactement. Ouais. Et comme vous avez vu en lisant le livre, là, j'ai pu caractériser en quelque sorte un certain nombre de visions différentes, et il y avait donc une ligne de fracture. Presque tous souhaitaient des changements économiques, ce qui est guère surprenant. Je dirais que l'économie soit gérée en tenant compte des questions écologiques, en fait, ou environnementales. Bon. Mais certains voulaient radicalement changer le système, je dirais pour faire une petite caricature, décroissance économique, et d'autres croyaient qu'avec une croissance modérée, il y avait moyen de s'organiser, qu'on pouvait faire les changements requis. Donc, il y avait déjà une première ligne de fracture de ce côté-là. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que justement, ceux qui sont du côté décroissance ou diminution de la consommation ne sont pas négligeables quand même dans votre échantillon. Il semble y en avoir quand même... Mais comme je vous dis, je ne peux pas me permettre de faire du quantitatif avec évidemment. Du qualitatif. Non. Mais les deux visions existent. Et ça, c'est important. D'autre part, du point de vue du contrôle social, et ça, c'est un élément clé, parce que est-ce que dans la société idéale, qui va être respectueuse de l'environnement, les citoyens vont se comporter correctement, spontanément, ou pas? Et donc, là, j'avais carrément deux groupes. Un groupe qui faisait confiance au fait que dans de nombreuses années, avec l'apprentissage et tout ça, la conscientisation que les gens allaient se comporter correctement, d'autres n'avaient pas confiance du tout. Et donc, il y avait une seconde ligne de fracture qui était ce que j'ai appelé les confiants et les non-confiants. Ouais. Et ça, pour l'organisation de la société, c'est fondamental. Et une troisième ligne de fracture entre ceux qui, je dirais, ajoutaient à cette question environnementale la question de la justice sociale, donc moins d'inégalités, et d'autres qui disaient ce sont deux problèmes séparés à traiter séparément. Mais là, quand vous parlez donc les confiants et les non confiants, donc ceux qui sont bon, ils ont confiance que l'éducation va faire le travail, les gens vont adopter des comportements responsables. Les autres sont pas confiants, et dans ce cas-là, la société va devoir imposer des façons de faire. Oui, et c'est ça. Exactement. Et ça va pas à l'encontre de leur valeur de liberté. Mais comme je vous ai dit, la valeur liberté était. Je dirais, ça m'a quand même un peu surpris. La liberté, pour moi, là, j'essaie de voir à quel point ça m'imprègne, en fait, en la défense de la liberté, ma vision de l'histoire, de tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Eux ne voyaient pas ça comme non, ça. D'accord. Non. Oui, la liberté, c'est bien, etc. Mais il faut quand même être prudent. Il y avait des petites réserves. Et quand on tombait sur cette question-là de contrôle social, ben là, c'est la valeur environnement qui prenait le dessus. Ah, d'accord. Je pense que c'est très clair. Ouais. La perception que de nombreuses personnes interviewées avaient des difficultés environnementales était telle que on ne pourra pas s'autoriser autant de liberté. Mm-hmm. Et je vous cite René Dumont, là, un écologiste bien connu, hein, qui a écrit avec un Québécois dont j'oublie le nom, qui a écrit un livre qui s'intitule « La contrainte ou la mort ». Il a écrit ce livre-là dans les années 80. Et donc, ça, c'est deux visions très fondamentales. Et moi, mon souhait, avec mon livre, c'est que les décideurs actuels comprennent ça, qu'ils comprennent ce que les jeunes pensent, ce que les jeunes veulent, et qu'ils comprennent aussi que c'est un problème complexe et qu'il n'y a pas une vision. On ne peut pas dire les jeunes sont comme ceci mm-hmm. ou les jeunes sont comme cela. Les jeunes ont différentes visions et il va falloir en tenir compte. Mais quand même, avec un intérêt, ils sont prêts finalement à mettre certaines entraves à la liberté ou pour améliorer les conditions environnementales. Ah, tout à fait. Ça, c'est ce qui prime quand même l'environnement. C'est mmh. ça. Ouais. Vous me parliez de valeur, là. Ouais. C'est exactement ça. La valeur environnement, la valeur liberté. Ouais. Mmh. Laquelle domine. Et c'est sûr que dans leurs propos... la valeur liberté, c'est quand même difficile, mais certains sont quand même allés très loin en disant « il va falloir contrôler mm-hmm. ». Il y en a même qui disaient « le gouvernement va préparer les repas puis il les distribuera à domicile ». Je rigole un tout petit peu, mais il reste que la valeur environnement... Et passe aussi devant l'économie aussi. Oui, oui. Ça, je dirais, ils ont intégré cette idée... Pas tous, là, mm-hmm. les visions sont différentes, mais beaucoup ont intégré cette idée que le système économique actuel, basé sur la croissance du PIB, là, ouais. ben que c'est pas la bonne façon de voir cette idée de croissance infinie, mais la croissance vue comme étant une croissance de qualité de vie et de bien-être, voilà. oui, mm. parce que la croissance actuellement, on la calcule, on la matérialise par un indice qui est le produit intérieur brut, qui n'est pas peut-être le meilleur indice de la qualité de vie. Non, non. Alors, quand vous êtes... Une somme d'échanges commerciaux, mais ça n'a pas vraiment... Ça ne quantifie, ça calcule pas la qualité de vie. Je dirais, c'est très simple. Mm. Par exemple, si vous êtes dans la circulation puis que vous êtes bloqué pendant une demi-heure, vous brûlez du carburant. Ouais. L'économie fonctionne. Voilà. Est-ce la bonne façon? Non. Alors, je pense que ça, cette idée aussi de se tourner vers de nouveaux indicateurs, ça avait aussi beaucoup de poids chez certains. Ouais. Il nous reste deux petites minutes, Michel Pigeon. Donc là, vous nous avez parlé, fait un résumé très rapide de votre thèse et de votre livre. Oui. Mais j'aimerais savoir, il y a une suite à cette recherche-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette idée de faire des comparaisons internationales. Je verrai si c'est possible. Mais pour l'instant, étant donné que la pandémie m'a bloqué et que je n'ai pas pu faire des entrevues au secondaire professionnel, je les fais actuellement. Ah oui? Et donc, je termine un peu là, une série d'entrevues au secondaire professionnel pour, je dirais encore une fois, élargir mon échantillon de différentes visions possibles de ces... de la société idéale, et je dirais la surprise m'attend quand je finirai l'analyse, là. Est-ce que cette nouvelle série d'entrevues va me permettre de conforter tout ce que j'ai écrit dans ma thèse, ou bien si ça ne va pas ajouter des nuances, des nouveaux groupes, et ainsi de suite, est-ce que je vais voir beaucoup de nouveaux ou pas? Je dirais, je garde la surprise pour, ouais. Est-ce que c'est avec pour les une mêmes, prochaine entrevue assez cohérente. Ben oui, bien sûr. Est-ce que c'est avec les mêmes jeunes ou est-ce que c'en est d'autres? Ah ben non, moi, c'est secondaire professionnel. Ouais. Alors, c'est toujours des groupes de 18 à 29, okay. ouais. mais je suis allé dans des écoles professionnelles. Alors, pour l'université, évidemment, je suis allé à l'Université Laval. Au cégep, je suis allé à Limoilou, et dans la partie technique. Et là, au secondaire professionnel, ben c'est le centre de formation professionnelle de la capitale, Fierbourg, et ainsi de suite. Donc, c'est tout le secteur mm-hmm. là, secondaire professionnel. Donc, les gens qui apprennent le métier. Oui. Donc, alors, si on veut en savoir plus sur les jeunes et les changements climatiques, leur perception, comment ils imaginent la société de demain, eh bien, il faut lire ce livre, « Les jeunes et les changements climatiques, quel choix de société ?» Un livre paru aux presses de l'Université Laval, écrit par Michel Pigeon, ingénieur, sociologue. Ben écoutez, je... Ingénieur en comportement. Merci, Madame Levé, de m'avoir invité. Et je suis heureux de voir que mon livre permet à la société de mieux comprendre les jeunes et leur vision d'avenir. La planète leur appartient. Exactement. Donc, merci beaucoup, Michel Pigeon, d'être venu nous en parler ici au micro de CKRL. Donc, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous étions en compagnie de Michel Pigeon, professeur émérite de génie civil et professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval.